Infernalia Volupté Sepulchrale. Isabelle Eberhardt. Enregistré par Christiane Johan. Ahmed Ben Harslan. In Memoriam. Amour sans fin, amour sans nombre, amour aux objets innommés, amour d'un rêve, amour d'une ombre, c'est toujours de l'amour. Aimez, aimez, dans vos regards limpides, ces éclairs toujours rallumés sont les étincelles rapides de la flamme éternelle. Aimez. Jean Richepin, Les îles d'or. Dans le silence nocturne, la grande salle morne, à peine éclairée, vaguement dormait. Des tables infâmes, du plancher souillé, montaient une odeur fade, une odeur d'entrailles humaines, de sang caillé, de drogue répandue. En ce parfum de misère, en cette salle douloureuse, sur deux tables, deux cadavres dormaient, couverts de linceul blanc, sinistres vêtements d'épouvante. Près du mur nu, mur d'hôpital ou de prison, d'asile ou de caserne, sous son drap lamentable, un homme était couché, figé, à jamais, les yeux clos, en son indifférence désormais éternelle. Très jeune, 20 ans peut-être, le profil de statue blanche, très doux, les lèvres blêmes, à peine souriantes, dans la face livide, d'un sourire d'outre-tombe. Au coin opposé, une femme étendue, elle aussi, sous le drap des misérables. Une image mystique et pure, en son transcendantal beauté pâle, de martyr. Sous l'ombre bleuâtre des cheveux noirs, une blancheur immobile. La chair voluptueuse raidie dans le froid de la mort. Étrangère désormais aux étreintes ardentes, aux baisers enflammés. La forme rigide soulevait le voile infâme de son galbe parfait. Et sur ce règne sinistre de la mort ténébreuse, la flamme baissée du gaz jetait ses reflets sanglants. Dans le silence pesant, dans l'odeur nauséeuse, jeunes tous deux et beaux, les cadavres sans nom dormaient de leur sommeil d'épouvante. Ils avaient encore gardé la forme humaine, mais dans la salle mortuaire, eux ne comptaient pas. Ils n'étaient pas, rayés à jamais du nombre des êtres. Misérables écrasés par la destinée, terrassés par le vice, passants inconnus d'une heure, ils étaient venus échouer ici. Demain, sous le scalpel froid déchiqueté, honteusement dépouillé, leurs entrailles nues, ils allaient montrer à d'autres jeunes hommes, à d'autres jeunes femmes, avides de vivre, de savoir et d'aimer, leurs organes déchirés, leurs misérables loques sanglantes, leur seul bien sans doute, durant leur vie, à jamais ignoré. Ils allaient étaler leur misère ultime au grand soleil indifférent, au soleil en sa joie éternelle. Qu'importe ? Dans la grande énigme du devenir éternel, comment regretter le sang, la vie, la chair sacrifiée ? Et tous ceux qui demain allaient tremper leurs mains jeunes et chaudes dans ce sang glacé, dans cette chair mutilée, après ils iraient essayer de soulager un peu la douleur de leur frère pitoyable, essayer d'apaiser un jour le grand hurlement qu'arrache le devenir incessant. Ensuite, eux aussi allaient rouler, inertes soudain et glacés, dans le même néant sans forme, sans durée et sans nom. Et ainsi, toujours. Ils gisaient dans le rayonnement étrange de la lumière faiblissante. Et là, près d'eux, trépassés immobiles, un vivant luttait contre les sombres forces inconnues des en-dessous ténébreux de son être, qui allait le dompter, l'anéantir. Près de la couche misérable où gisait la femme livide, un étudiant de garde à la clinique se tenait debout. Il la regardait, la chair soulevée d'un désir effroyable, sa face pâle, aux yeux noirs angoissés, se convulsait de frissons glacés. De toute sa volonté, de toute son énergie jeune, il résistait, luttant contre les appels sinistres de la névrose. Mais il ne pouvait plus s'enfuir, fasciné, immobile. La chair a langui, faiblissant d'instant en instant, en proie à une épouvante mortelle, le cœur soulevé de dégoût. Il se sentait sans force en face de l'étreinte hideuse qu'il désirait follement. Il allait céder bientôt. Sa souffrance était intolérable en cette nuit cruelle. Sa virilité se révoltait contre le coït abominable. Sa volonté était de fuir. Il restait immobile, le front trempé de sueur, les poings serrés. Il se sentait fort et beau, il se savait très jeune et mâle, tout à fait. Et sa fierté se soulevait à la pensée de ce simulacre funèbre de l'amour, qui, tant de fois déjà, l'avait entraîné dans les abîmes ineffables de la volupté. Il chassait, écœuré, l'obscure fantasmagorie née de sa névrose qui, ce soir, en face de cette femme, dont ses yeux voyaient sans pudeur la forme glacée sous le drap mou, en face de l'horrible chimère, triomphait, l'avilissant. Il essayait de toute son énergie, de toute la chasteté déjà inconsciente, mais encore vivante qui était en lui, de reporter son désir délirant de possession sur une femme vivante, n'importe laquelle. Mais toutes les images qu'évoquait sa mémoire, sous la tension violente de sa volonté, étaient pâles, impersonnelles, tandis qu'à la vue de celle-ci, la morte, sa chair jeune frémissait, se pâmait, s'alanguissait malgré lui. Le rouge de la honte, en face de la déchéance, lui monta au visage. Il se méprisait lui-même et se haïssait en cette heure torturante. Son regard glissa sur le soulèvement du drap funèbre au-dessus du corps, et il savait, il voyait à travers. Mais il voulut voir en réalité, invinciblement. Alors, à ce désir, il céda, luttant pourtant toujours contre l'autre, qu'il savait morbide et infâme. De sa main qui tremblait violemment, il enleva le drap et regarda cette nudité lamentable qui s'étalait à ses yeux impudiques. Alors, il se sentit défaillir. Il eut un long tressaillement jusqu'au plus profond de sa chair triomphante. Il tomba sur le cadavre blanc, le serra d'une étreinte sauvage, douloureuse, les dents serrées, frissonnant en sa fièvre horrible. Quand il l'eut prise, ne sentant même pas sa froideur, il eut un frisson de volupté ultime. De toute sa force, il l'étreignait encore et encore, la sentant vivante, brûlante, folle, sous ses caresses à lui, se serrait contre sa chair palpitante, lascive et molle en sa chaleur douce d'amante passive. Il eut un râle furieux de volupté, le cri triomphant, le grand alléluia de la névrose toute puissante. Et lui, enragé, en mâle sauvage tout à fait, plus il l'étreignait, plus il la sentait vivre, tressaillir sous ses caresses folles. Il pressa violemment jusqu'à la douleur ses lèvres sur celles de son amante fantôme, de la trépasser, insensible. De nouveau, le même frisson voluptueux secoua tout son corps. Sa tête, aux yeux élargis par la jouissance, reposait mollement, languide, sur la poitrine de la morte. Et celle-ci, lointaine, inanimée, insensible à ces caresses ardentes du mal qui la possédait malgré la mort, restait toujours étendue, la face tournée vers le plafond noyé d'ombre vague. Ses yeux morts restaient clos, et sans joie et sans douleur, en ce coït monstrueux, elle reposait plus passive qu'aucune amante ne le sera jamais sous l'étreinte puissante de l'être vivant. Au lever pâle du jour printanier, sur sa couche de sang et d'amour, la trépassée et son amant endormi reposaient. Elle, tranquille à jamais, envolée déjà vers l'inconnu ténébreux, lui, destiné à tournoyer encore quelques années durant dans le tourbillon impersonnel du devenir éternel. N. Poboliunski. El Hadjira, Constantine.